De Clèves Mirbeau, tiré des lettres de Bachaumière, le duel de Pesquer et de Casser. À Monsieur Henri Beck. Ce matin, deux journalistes, suivis chacun de deux messieurs en redingoté de noir et d'un médecin, se sont arrêtés dans une clairière du bois à quelques pas de Bachaumière. Il s'agissait d'élections. L'un tenait pour un candidat qu'il ne connaissait guère, l'autre pour un candidat qui ne connaissait point. C'est pourquoi ils allaient se battre. On a retiré les épées de leur gaine de serge verte, choisi les places, et l'affaire s'est arrangée. Je les ai rencontrés comme ils s'en retournaient bras-dessus, bras-dessous. L'un disait à l'autre, « À quoi bon ? Pour un homme qui nous paie mal et qui nous lâchera, la campagne terminée, » ajoutait l'autre. Et tous deux conclurent, c'était trop bête. Les deux adversaires me rappelèrent la terrible aventure qui illustra, au pays de Gascogne, les noms de Pesquer et de Casser. Dans une petite ville du Midi, voisine de la République d'Andorre, deux journalistes polémiquaient furieusement. Le premier s'appelait Pesquer et défendait la monarchie cette année-là. Le second avait nom Casser et combattait pour la République en l'attendant mieux. Si peu que vous ayez lu de journaux de province, vous savez à quel ton aigu montent les polémiques. Pesquer affirmait que Casser était une canaille, un voleur. Casser ripostait en traitant Pesquer de crapule et d'assassin. Pesquer écrivait en tête de son journal « Nous engagerons le citoyen Casser à se tenir loin de notre vaillante canne ». Casser avait fait cliché en gros caractère l'avis suivant « J'avertis l'ignoble Pesquer de ne pas exposer son derrière à portée de notre courageuse botte. » Mais il va de soi que ni la vaillante canne de Pesquer ni la courageuse botte de Casser n'étaient disposés à entrer dans la lutte. Pesquer eut alors une idée de génie. Il imagina d'insérer dans chaque numéro de sa feuille, immédiatement après le leading article, un entrefilet que surmontait, en guise de titre, un énorme point d'interrogation. On nous écrit de Toulouse. Et il y a 5 ans, un sieur C, petit employé dans une grande administration financière de notre ville, fut ignominieusement chassé de son emploi parce qu'on s'était aperçu qu'il avait la déplorable habitude de crocheter les caisses et de voler les titres. Or, le sieur C dirige aujourd'hui, dans une ville importante de notre région, un journal opportuniste. Après son passage dans la dite administration, il possédait assez de titres pour défendre un régime dont la principale occupation est de forcer les serrures du budget et de crocheter les portes des couvents. Le citoyen Casser, qui a longtemps habité Toulouse, pourrait-il nous donner des renseignements sur le fait énoncé par notre correspondant ? À quoi Casser est piqué par l'article permanent que voici. Simple question. Est-il vrai qu'un sieur P ait habité Carcassonne ? Est-il vrai qu'il ait été obligé de quitter précipitamment cette ville à la suite d'une tentative de séduction sur une vieille dévote suivie de vol? Est-il vrai que l'instruction judiciaire commencée ait été étouffée grâce aux machinations des jésuites? Est-il vrai que le sieur P rédige aujourd'hui un immonde journal clérical? Prière à l'ignoble Pesquer, qui à cette époque faisait à Carcassonne on ne sait quel métier, de répondre à ces simples questions. En ville, on se délectait beaucoup de ces disputes et les bonnes âmes faisaient kiss kiss, comme s'il se fût agi d'un combat de chiens ou d'un crépage de chignons entre arrangères. Cela dura plus d'un an. Les commanditaires du journal monarchiste disaient émerveillés, en parlant de Pesquer, notre veuillou. Et les souscripteurs de la feuille républicaine, ravis, ne manquaient jamais de qualifier Casser de notre Rochefort. D'ailleurs, tout le monde s'accordait à vanter la bravoure d'on pareil des deux irréconciliables polémistes, et l'on se racontait avec des frissons les traits héroïques, les féroces aventures tirées de leur vie de jeunesse. Pourtant, il arriva que cette haine sauvage parut se calmer. Les accusations maintenant manquaient de force, les insinuations de perfidie, les allusions de portée. Peut-être se blasait-on après tout. Mais non, la verve était tarie des mots ordurier et poissard, et c'est avec dépit que l'on s'attendait à voir tomber la grande colère qui avait été la distraction des désœuvrés, le sport des flâneurs de la ville. Tout à coup, on apprit que Pesquer avait envoyé des témoins à Cassère. Un duel? Un duel aurait lieu? Était-ce possible? Un duel? Ce n'était plus l'encre qui coulerait, ce serait le sang. L'émotion fut vive. Dès que la nouvelle du duel commença de circuler, chacun sortit de chez soi, alla au renseignement. Sur le pas des portes dans la rue, des groupes se formèrent animés, inquiets, frémissants. La promenade, habituellement déserte à cette heure, se couvrit d'une foule agitée. En un instant, les cafés furent envahis. On s'abordait d'anxieux. Eh bien, on ne sait rien encore. Il paraît que les témoins sont en conférence. Alors c'est sérieux, il y a des témoins. Le préfet a télégraphié à Paris. Mais c'est évident, ça couvait depuis trop longtemps. Assez causé, la parole est à l'épée. On y Pesquer de première force. Allons donc. Cassère a déjà eu 20 duels, dont 5 mortels. Mortels. Ça sera chaud, avec des gaillards comme ça. Ah, voilà les témoins qui arrivent. Pour sûr, ça y est. En effet, les témoins, les 4 témoins, entraient dans le café, graves, sombres, imposants. Ils évitèrent de répondre directement aux questions qui leur tombaient de tous les côtés, s'assirent, mystérieux, autour d'une table, et demandèrent du papier et de l'encre. Néanmoins, on sut péremptoirement que la rencontre aurait lieu en Andorre, qu'on se battrait au pistolet, et que ça serait terrible. Pendant ce temps, Pesquer et Cassère se promenaient sur le cours, à 50 pas l'un de l'autre, chacun suivi de ses amis, chacun faisant des gestes farouches et roulant des yeux épouvantables. Pesquer disait « Je le tuerai, j'ai soif de son sang. » Cassère hurlait « Il aura son compte, il me faut sa vie. » Tous deux affirmaient « L'un de nous doit disparaître. » La difficulté fut de trouver des pistolets convenables. L'armurier ne possédait que des revolvers et des pistolets Flaubert. Les armes, cependant, ne faisaient pas défaut dans la ville. Mais à celle-ci, le chien manquait, à celle-là, la gâchette, à toutes quelque chose d'essentiel. Les témoins durent se contenter d'une paire de pistolets d'arçon que proposa un ancien capitaine de gendarmerie avec la manière de s'en servir. Qu'importe, suppliait Pesquer, qu'on nous donne un fusil, une baïonnette. Un canon, une mitrailleuse, implorait Cassère. Enfin, vers le soir, deux voitures sortaient de la ville, bruyamment escortées jusque dans la campagne par toute la population enthousiaste. Bonne chance, Pesquer. Reviens-nous, Cassère. Cette nuit-là, il y eut force coup de poing et force coup de pied en l'honneur de l'indomptable Pesquer et de l'intrépide Cassère. Durant 2 jours, la petite ville demeura plongée en une anxiété poignante. Comme pour les grandes fêtes ou les deuils publics, les boutiques restèrent fermées, les ouvriers chômèrent. Le besoin d'agir, d'être dehors, la curiosité de savoir, avait jeté tous les habitants dans les rues, qui regorgeaient de monde, et sur le cours qui grouillait de promeneurs. Cet événement, ainsi qu'il arrive au moment des angoisses patriotiques, rapprochait les familles brouillées, attendrissait les haines, confondait les classes. Chacun s'interrogeait. A-t-on de nouvelles de nos dieux églistes? Au café Soula, surtout, l'agitation prenait un caractère inquiétant. Là, des visages rouges discutaient, point par point, les chances de nos duellistes. Là, on racontait des histoires de duels affolantes, épouvantantes, des morts affreuses. Des agonies macabres, des carnages, des massacres, des boucheries. Tandis que les dominos rayaient, en grinçant, le marbre des tables chargées de bière, on entendait sortir des bouches enfumées de tabac que les mots « sang »,« cervelle en bouillie »,« tripes à l'air »,« 5 pouces de fer dans l'estomac ». Et Gaspard Gasparou, un vieux sergent de pompiers, occupait l'attention des groupes ébahis en décrivant dans l'air avec son doigt, des dégagés et des contres de cartes. Le 3e jour, au matin, comme on n'avait pas de nouvelles de nos duellistes, On ne douta pas, au cercle les mieux informés, que dans leur rage homicide, les deux belligérants ne se fussent réciproquement assommés. Le vétérinaire émit cette opinion que les quatre témoins, les deux médecins et les deux cochers, grisés par le sang et par la poudre, s'étaient probablement entretués. À la préfecture, personne ne savait rien, ou ne voulait rien dire. Cependant, le bruit courait que le télégraphe avait joué jour et nuit, que le chef de cabinet et deux conseillers de préfecture s'étaient tenus en permanence dans le grand salon de réception, que deux fois le capitaine de gendarmerie avait été mandé et qu'il était entré en civil par la petite porte dérobée du jardin. L'inquiétude grandissait. Les suppositions les plus effroyables germaient dans les cerveaux. Exaspérés par l'attente, troublés par les bocs de bière et les petits verres de cognac. Enfin, le soir, le propriétaire du café Soula reçut une dépêche. La dépêche était ainsi conçue. Après plusieurs engagements terribles, Pesquer très grièvement blessé, bras cassé, me porte bien, Casser. Bras cassé, rien qu'un bras cassé. Et aucun n'était mort des duellistes, des témoins, des médecins, des cochers. Aucun. Un misérable et insignifiant bras cassé. Et c'était tout. C'était tout quand il y avait tant de têtes, de poitrines et de ventres. Et l'autre, le Casser, qui se portait bien et qui l'avouait. Quelle lâcheté. Alors, toute cette ivresse d'héroïsme, toutes ces menaces, tout ce remuement d'une ville, tous ces récits enfiévrés. Alors, la préfecture en permanence, la gendarmerie sur pied, le télégraphe effaré, tout cela aboutissait à ce résultat ridicule, désodorant, un bras cassé. Un seul ? Et le gauche, probablement. Oui, ça devait être le gauche. Le désappointement fut général. Quelques-uns, même, ne cachèrent pas leur indignation. Gasparou, suffoqué. C'est à ce moment, Pesquer, avec son bras cassé, et Casser, qui se portait bien, était entré dans le café. Ils eussent été hués, sifflés, assommés peut-être. Un avoué parvint à calmer l'effervescence en affirmant que beaucoup de duels, même à Paris, n'avaient pas toujours ce résultat sanguinaire, que mieux valait après tout un bras cassé que rien du tout de cassé, et qu'il fallait se contenter de ce que l'on avait. Ce petit discours, sage et conciliateur, obtint beaucoup de succès, rallia tous les suffrages, et l'on se prépara à recevoir nos duellistes avec un enthousiasme mitigé de raillerie. Le lieu fixé pour la rencontre était, vous souvenez, le territoire d'Andorre. La route qui traverse en pleine campagne les jolis villages de Tarascon, du Sat, des Cabanes, la petite ville d'Aix, où les sources d'eau chaude bouillonnent parmi les rocs sombres et les noirs sapins, est longue, pénible, parfois dangereuse, surtout à la fin d'automne, alors que les neiges commencent à tomber. Longeant les vallées étroites, elle ne tarde pas à grimper aux flancs âpres des monts, court au bord des précipices, au fond desquels grondent les torrents. Les pics de violets sourds s'étagent dans le lointain, ceints d'écharpes de vapeurs roses, coiffées d'immenses aigrettes de nuée. Ici, ce sont des parties boisées de hêtres et de sapins aux verdures robustes. Là, des terres pelées, souffrantes, où, de place en place, dans le schiste morne, pousse la bruyère chétive et le maigre rhododendron. Nos duellistes ne songeaient point à admirer la nature, si impressionnante. Pourtant, de ce coin des Pyrénées, leur âme débarrassée des poésies inutiles, solidement fortifiée par la politique, n'était plus guère accessible à ces sensations artistes et vulgaires. Et puis, il faut bien le dire, ils avaient d'autres préoccupations. À mesure qu'ils s'éloignaient de la ville, qu'ils approchaient de ce redoutable pays d'Andorre, leur exaltation, faiblissant peu à peu, s'était tout à fait évanouie. Une sorte de malaise moral, de froid intérieur, les saisissait, leur faisait courir sous la peau de petits frissons désagréables. Et l'inquiétude vint, qui elle-même bientôt se transforma en une véritable angoisse. Comme ils ne voulaient rien montrer de l'état de leur âme, nos duellistes se rencognèrent, chacun dans sa voiture, faisant semblant de dormir pendant que les témoins très embarrassés de leur rôle et craignant de se rendre ridicules vis-à-vis de spadassins aussi exercés, piochaient un code de duel que l'ancien capitaine de gendarmerie leur avait prêté en même temps que les pistolets d'arçon. Non, ils ne dormaient pas, nos duellistes. Oh non ! Pesquer se voyait déjà étendu sur l'herbe, mort, car il ne doutait pas qu'il allait mourir. Il se représentait l'affreuse blessure de la balle, toute rouge, là, sous le sein gauche. Et il se tâtait la poitrine à cette place. Et il croyait sentir au bout de ses doigts la chair écrasée et le sang chaud qui se caillait. Quelle folie aussi d'avoir provoqué Casser, l'invincible Casser. Casser protégé déjà par 20 duels, dont 5 mortels. Était-ce assez bête à lui, pauvre diable, qui, malgré sa réputation de grand tireur, n'avait de sa vie tenu la poignée d'une épée ni la croche d'un pistolet. Des jouets, de simples jouets aux mains de son ennemi. Comme il était conscient de sa force, le sauvage, quel calme, quelle assurance, quelle ironie. Mais était-ce bien vrai qu'ils allaient se battre? N'y aurait-il pas au dernier moment un événement, un miracle, et il ne savait quoi, qui empêcherait le duel? Et l'infortuné Pesquer rêvait à de vagues cataclysmes. Peut-être que les montagnes s'ébrouleraient tout à coup. Peut-être une guerre dont on apprendrait brusquement la nouvelle. Peut-être une révolution qui éclaterait comme un coup de foudre. Peut-être la voiture de Casser qui roulerait au fond d'un précipice. Cette idée surtout le séduisait. Oh, si la voiture pouvait... Mais non, elle filait doucement devant lui, au trot ralenti de ses deux rosses. Alors quoi, mon Dieu, c'était épouvantable. De son côté, Casser, qui malgré ses 20 duels, dont 5 mortels, se trouvait exactement dans les mêmes conditions que Pesquer, claquait des dents et comptait les dernières minutes d'existence que voulait bien lui laisser, par pitié sans doute, cet adversaire farouche que son imagination lui montrait affamé de meurtre, fauchant les têtes et trouant les poitrines avec une effroyable dextérité. Ce ne fut que le lendemain soir que les deux voitures arrivèrent à l'Hospitalet, petit village distant 1 kilomètre de la frontière andorrane, et l'hiver perdu dans les nuages, dans les neiges. Là finit la route, qui se change en une sente caillouteuse, praticable seulement aux piétons et aux mulets. Pendant que nos duellistes, dans la salle de l'auberge, se chauffaient silencieux devant un grand feu d'écorce de sapin, l'aubergiste, montagnard robuste, à la face hardie de contrebandier, s'adressa à Pesquer. « C'est vous sans doute, messieurs, qui venez pour vous battre ?» demanda-t-il. Pesquer frémit. Casser détourna la tête. Il ne pouvait plus entendre le mot « se battre » sans qu'un étranglement les serrât à la gorge. « Oui, c'est nous, » répondit Pesquer. « Eh bien, je vais vous dire, » continua l'aubergiste, après s'être assuré que la porte était bien fermée et que personne ne pouvait l'entendre. « Hier, il est venu d'Ax, un gendarme, de la part du préfet. Le gendarme s'est longtemps entretenu avec le sergent des douaniers. Et voici ce que j'ai appris. » Demain matin, la frontière sera cerdée. On ne peut pas vous empêcher de passer, mais on saisira vos armes, et alors va te faire fiche. » À ces paroles, une joie divine inonda le cœur de Pesquer et de Casser. Ne rêvait-il pas? Et alors va te faire fiche. Mot délicieux. Oh, comme durant cette minute, ils aimèrent l'aubergiste, le bon aubergiste, l'aubergiste Colombe, qui, dans son bec barbu, leur apportait le rameau d'olivier. S'ils avaient osé, ils l'eussent embrassé. Mais l'aubergiste reprit. J'ai pensé à une chose. Confiez-moi vos armes. Je connais la passe. Et qu'est-ce qui sera coyant demain, en vous fouillant? Ce sera le gabelou. Ce sera le gabelou, ce sera le gabelou, répétèrent machinalement Pesquer et Casser. Ça vous va-t-il comme ça? Triple brute. Non, ça ne leur allait pas du tout. Toutes leurs angoisses étaient revenues. Qu'avait besoin ce sale aubergiste d'avoir pensé à cela? Il paraissait enchanté de son idée, l'animal. Mais ne craignez-vous pas des complications diplomatiques? Insinua Pesquer. Est-ce bien prudent? Murmura Casser. Rapportez-vous-en à moi, dit l'aubergiste. C'est mon affaire, ni vu ni connu, et demain matin, nous nous retrouverons à un endroit fixé. En attendant, vous allez souper, je pense. C'est justement là un fameux cuisseau d'Isard, avec une bonne bouteille de rancio. Pesquer et Casser refusèrent de prendre la moindre nourriture. Ils se retirèrent dans leur chambre. Ainsi, c'était donc fini. Rien ne pouvait désormais les sauver de la mort. À cette heure suprême où reviennent les tendresses oubliées et les naïvetés charmantes des premières impressions, nos duellistes se reprochèrent de n'avoir pas, pendant ce voyage mortel, empli suffisamment leur regard du spectacle des choses qu'ils ne reverraient plus. Ils ne reverraient plus ces montagnes superbes, ces coquets villages aux toits plats, ces cascades blanchissantes, ce ciel gris-perle où petites taches bleues planent les aigles et les balbuzards. Et les parties aux grottes du Sat, et les pêches au lac de Bethmale, et tous les soirs, après dîner, le mazagran, la pipe qui se culotte lentement, les émotions de la poule au billard et de la manille. Pesquer pleura. Casser, agenouillé au bas de son lit, pria. Quelle nuit! Ainsi que l'avait prévu l'aubergiste, les douaniers, qui cernaient la frontière, furent bien obligés de laisser passer nos duellistes. Ils avaient ordre de saisir les armes. Or, en fait d'armes, ils n'avaient trouvé que les trousses des médecins, ce qui amena une longue discussion et de vifs pourparlers. Devait-on saisir ou ne devait-on pas saisir? Ces trousses pouvaient-elles être considérées comme des armes? Les uns tenaient pour que l'on saisît, les autres hochaient la tête d'un air de doute. Le sergent, très perplexe, après avoir minutieusement examiné sonde, lancette et bistouri, estima que c'était effectivement des armes. Mais en considération de ce qu'il connaissait, l'un des deux médecins, il les autorisa à garder leurs trousses pour cette fois seulement. La petite troupe franchit le fossé qui sépare la France de l'Andorre et se mit à escalader la Soulane péniblement. Pesquer et Casser marchaient au hasard, trébuchaient contre les pierres roulantes, glissaient sur l'herbe ronde, la tête basse, le cœur vacillant. Le paysage d'ailleurs n'était pas fait pour agaillardir l'esprit. Des montagnes rasées, sans un arbre, des rochers tristes, chauves, et au bas du ravin, sur un lit de cailloux, l'Ariège, qui aboyait, sinistre et hargneuse. Il avait été convenu qu'on retrouverait l'aubergiste sur un plateau de la montagne, le seul endroit convenable pour se couper la gorge à l'aise. En effet, le gaillard était là, souriant, gai, et le plus tranquillement du monde, il mangeait, en attendant, un morceau de fromage de chèvre, sur un énorme morceau de pain bis. Dernière espérance envolée. Pesquer et Casser s'étaient dit, il ne passera pas, le damné aubergiste, on l'arrêtera, les douaniers, les bons douaniers, lui prendront nos armes. Et il était là, et il riait, et il mangeait. Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il joyeusement? Ne vous l'avais-je pas promis? Ils n'ont vu que du feu, les coyons. Tenez, voilà les pistolets. Ah, les coyons! À la vue des armes maudites qui reluisaient dans le soleil, nos duellistes manquèrent de s'évanouir. Pâles, les tempes humides serrées, la poitrine haletante, la tête bourdonnante, ils ne voyaient plus rien, n'entendaient plus rien. Et ils ne comprenaient plus pourquoi, après d'eux, des hommes faisaient sauter en l'air des pièces d'argent, pourquoi ils comptaient des pas, pourquoi ils chargeaient des armes. Toute haine s'était envolée de leur cœur. Ils s'aimaient d'un immense et fraternel amour. Ils durent faire d'énergiques efforts pour ne pas tomber dans les bras l'un de l'autre, se demander pardon, s'embrasser. « Allons, messieurs, » dit l'un des témoins. À ce moment, l'aubergiste s'écria « Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et avec son bâton, il indiqua quelque chose de noir qui, en face, sur le versant de la montagne, descendait. On eût dit d'une troupe de gens à cheval, mais à cause de la distance et de la couleur sombre du terrain, il était impossible de rien distinguer nettement. « Viennasé, mais c'est le conseil de l'Andorre !» s'exclama l'aubergiste. « Et viennent pour vous sûrement. C'est ce sacré gendarme qui aura été les prévenir. »« Ça ne fait rien, » ajouta-t-il en se tournant vers les témoins. avant qu'il soit ici, c'est bien sûr le temps de se donner un coup de torchon. » Cette invitation n'obtint aucun succès. Tous braquaient les yeux vers le point marqué par l'aubergiste. Pesquer et Casser respirèrent délicieusement. Le point noir grossissait. On pouvait maintenant apercevoir distinctement des formes humaines qui se balançaient sur des formes de chevaux. Pesquer compta 6 cavaliers. Casser remarqua que l'un d'eux marchait en tête, comme un chef. Et l'aubergiste s'étonna qu'il portât sa grande tenue, c'est-à-dire le chapeau de feutre à large bord et le long carrick à 22 collets. Quand les 6 cavaliers furent arrivés une centaine de pas du plateau, ils s'arrêtèrent. Celui qui chevauchait en tête mit pied à terre et, laissant son cheval à la garde de ses compagnons, il s'avança d'un pas solennel vers nos duellistes. « Adicias » fit-il en saluant. Pesquer, Casser, les 4 témoins, les 2 médecins et l'aubergiste s'inclinèrent respectueusement et répondirent en chœur « Adicias !» Il y eut un moment de silence. Un aigle passa dans l'air. Un pâtre qui paissait ses chèvres très loin chanta. Et l'endorant dit « Messieurs, vous êtes sur une terre de paix et de liberté. Dans nos montagnes, jamais l'homme ne versa le sang de son semblable. Jamais le sol ne fut rougi par les luttes fratricides. Nous sommes des pasteurs et nos armes, à nous, ce sont la houlette et la flûte. Je vous prie de vous retirer et je vous avertis que si vous n'obéissez pas à notre loi sera vous punir, homme sauvage. » Puis il parla longtemps de l'hospitalité, de l'humanité et des bergers chanteurs. Pesquer et Casser l'écoutaient, ravis. Jamais parole humaine ne leur avait paru plus belle, plus douce, plus pénétrante. C'était comme une musique céleste, un chant de vierges amoureuses, un concert d'anges éperdus. Il leur semblait que les pierres elles-mêmes en étaient tout attendries, que les montagnes se pâmaient et que le vent n'appelait plus que des soupirs d'extase et que, de l'Ariège, apaisé, montait le chuchotement exquis d'une prière. Néanmoins, pour la forme, ils voulurent protester. « Retirez-vous, carnassier !» répéta l'endorant, qui à ce moment leur apparut si grand qu'il domina les sommets les plus élevés et emplit tout le ciel de son corps de Dieu. Après une courte délibération, les témoins décidèrent qu'il fallait se retirer et l'on reprit la route désolée, le petit sentier caillouteux qui courait sur la montagne, rase, terre de paix et de liberté. Ah, comme elle était moelleuse cette route, dont les cailloux mouvants et coupants n'auraient été plus doux aux pieds que des tapis de mousse et des jonchées de fleurs. Il descendait, agile, souple, léger, conduit comme par une ivresse, emporté comme dans un rêve. Tout à coup, Pesquer sentit que le sol se dérobait sous ses pieds, et il étendit les bras en avant, poussa un cri et s'évanouit. Le malheureux était tombé lourdement sur un rocher. En le relevant, un des médecins constata qu'il s'était cassé le bras gauche. Voyez, dit-il au témoin, la fracture est évidente. Évidente, confirma l'autre médecin. Les témoins se regardèrent un instant, et tandis que le médecin pensait le blesser, eh bien, demanda l'un. Eh bien, répondit l'autre, il y a blessure. Oui, mais quoi? Rien. Alors, parfaitement. Et séance tenante, les 4 témoins rédigèrent un procès-verbal dans lequel il était constaté que M. Pesquer, ayant reçu une balle qui lui avait cassé le bras, l'honneur avait été déclaré satisfait. Sur la demande de Casser, ils ajoutèrent même un paragraphe où ils rendirent le plus complet hommage à la belle tenue des deux adversaires.